C'est fou ça. 89.1. Sur le net, au cfou.ca. Fuck off, moi je veux être. Et vive le rock libre! Jeunesse apatride avec Montréal Béton, extrait de leur album Black Block and Roll. C'est le Camarade B qui vous accueille pour une 377e émission de Sky Ponka en ce jeudi 21 octobre 2010. Nous allons commencer le prochain bloc avec tout d'abord la formation Broadcast Zero. Et deux nouveautés, la pièce Wake Me Up qui s'enchaîne avec la chanson Demon, extrait de leur tout nouvel album qui est sur Stumble Record, mais aussi sur Rebel Time Record, donc c'est une, on pourrait dire, une coproduction. Et le titre de cet album-là, il s'appelle comme ça, same concern regarding this revolt. Bon. Il n'est pas écrit en tout petit, il est écrit en super petit sur la pochette. Bon. Et puis, il est vraiment très bon, soit dit en passant. C'est vraiment... c'est un album que je recommanderais, je dirais, à ceux qui ont aimé le premier album de Broadcast Zero. Ben, je vous recommande celui-là. Il est vraiment très bon. C'est vraiment un mélange, je vous dirais, de punk politique avec à la fois un petit côté... un petit côté pop-punk à la Screeching Weasel. Bref, tout pour que ça fonctionne bien. Après ça, on va poursuivre avec un autre groupe street punk, Knucklehead, et la pièce Bigger Bomb for Better Tomorrow, pièce que vous pouvez retrouver eux autres aussi sur leur tout nouvel album qui s'appelle Hearts on Fire. Et puis, nous allons terminer le prochain bloc avec une autre nouveauté qui nous vient aussi de l'Ontario, de Lucky Ones et la pièce Punks Are Drunk, extrait de l'album The Booze Session, qui est vraiment un très bon album pour boire de la bière, parce que The Booze Session, ça le dit, c'est la session de la bière. Donc, allons-y sans plus tarder avec Broadcast Zero et la pièce Wake Me Up et Demon, parce que les deux pièces s'enchaînent ensemble. Vous allez voir quand vous allez l'entendre. Alors, rock and roll! Of a home that I've made, of the plight, and I yell and I scream, and I hear what I've become.

Yeah, The Lucky One avec Punks Are Drunk, extrait de leur excellent album de Booze Sessions que je reconseille à tous les bons amateurs de punk et de bière. Parce que c'est deux choses qu'on peut pas dissocier de cet album-là. Ça vous prend une bière pour l'entendre. Sinon, la tentation sera trop forte. Bon. Juste avant ça, on avait eu Broadcast Zero avec Wake Me Up qui s'enchaînait avec la pièce Demon. Je crois que vous avez compris pourquoi, parce que, bon, hein, la guitare fait zoom puis ça repart. Fait que dans ce temps-là, on coupe pas ça, on laisse ça jouer. Et puis après ça, eh bien, on avait eu Knucklehead avec la pièce Bigger Bombs for a Better Tomorrow, extrait de leur plus récent album qui est sorti sur Stumble Records il y a vraiment pas longtemps, ça veut dire seulement quelques semaines. Et l'album s'appelle Hearts on Fire. Bon. Maintenant, on va aller faire un tour en musique avec un bon groupe de Montréal qui est aussi une légende en fait du punk, je vous dirais, dans le punk québécois. Ripcords. Ripcords avec une de leurs nouvelles compositions qui parle, je vous dirais, de quelque chose qui se passe de plus en plus de nos jours, puisque la société devient de plus en plus ingrate, puisque le système de santé est de moins en moins bon, puisque les services sociaux sont de moins en moins bons. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il faut se battre pour avoir du manger. Donc, c'est pour ça que Ripcords ont écrit la pièce Fight for My Breakfast, extrait de leur plus récent album. Ensuite, nous allons continuer avec Prowlers et la pièce Lost Cause. The Prowlers qui seront en spectacle, je vous rappelle, au Café Chaos le 6 novembre, show à ne pas manquer, avec entre autres Overpower et Buddha Bulldozer de Québec. Je vous dirais que Buddha Bulldozer, c'est un peu l'équivalent de Prowlers pour le monde de Québec, là. Et puis, après ça, nous allons terminer le prochain bloc avec Twister, ça c'est une légende du punk mauricien, avec la pièce Ch't'écœuré, pièce qui était sortie, attendez une petite minute, qui était sorti sur l'album Toujours Debout, il y a de cela un bon petit bout d'année, donc environ 10 ans. Alors, allons-y, sans plus tarder, avec Ripcords et la pièce Fight for My Breakfast à Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Fight for my lunch, fight for my dinner, I'll fight the whole bunch. J'espère que le message est clair. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement. Ambiance Trance, que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les Gorilles aux Mains Rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, reverbnation.com/Les Gorilles aux Mains Rouges. QuébecPunkScene.net, le site d'actualité punk, ska, hardcore et emo du Québec. Liste de concerts mis à jour quotidiennement. Fiches détaillées de plus de 500 groupes québécois. QuébecPunkScene.net, c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur québecpunkscene.net. Une émission dédiée au rap. Diffusé sur les ondes de C'est Fou 89. Avec Bob et DJ Quaw. Yup. Mon chien à moi, il était beau, il était fort. C'est fou ça. Un peu non, un peu coquin. 89 mars. Mon chien à moi, c'était mon grand ami. Alors, vous écoutez toujours Sky Punka en compagnie du camarade B, c'est-à-dire moi-même. Et tout juste avant le bloc de publicité, on avait Rip Chords avec la pièce Fight for My Breakfast. Après ça, on avait continué avec The Prowlers et la pièce Lost Cause. Et on avait terminé le dernier bloc avec Twisters et la pièce Shtickery. Ouais, en parlant de Shtickery, ça a été un petit peu plate qu'il y ait des coupures. Désolé, il n'y avait pas de coupure sur mon ordinateur par contre. Bon, c'est des choses qui arrivent des fois. Par contre, je peux vous dire que vous pouvez aller voir, en parlant justement de Twisters, puisque dans le fond, c'est Yannick, de Yannick et les Barniques qui chantait pour Twister. Vous pouvez justement aller sur son site YouTube, qui est vraiment facile, www.youtube.com/YannMusic. Yann Music, ça s'écrit YANMUSIK. Ça va vous permettre d'entendre des bonnes vieilles pièces de Twisters, de Yannick et des Barniques, ainsi que des Barniques aussi. Alors, ben, c'est ça, là, ça... J'avais envie de vous parler des Barniques. Bon! Maintenant, nous allons continuer en punk français, et en oi aussi, puis en punk... en skate punk, en pas mal d'affaires, bref. Donc, on va aller tout d'abord avec la formation street punk française Wonder Batch, et la pièce Paris-Londres, pièce que vous pouvez retrouver sur leur album compilation qui s'appelle 82-84. Bref, c'est la discographie de ce groupe-là. Puis après ça, nous allons poursuivre avec Kidnap et la pièce Thatcher Dracula. Car dans les années, à la fin des années 70 et au début des années 80... Margaret Thatcher était la première ministre d'Angleterre et puis elle suçait le sang de tout le monde. Et puis, ben c'est ça, donc le groupe Kidnap, pour leurs compatriotes anglais, avait décidé de faire une chanson contre cette dictateuse. Je sais que ça se dit pas, mais je l'ai dit pareil. Et puis après ça, nous allons poursuivre avec un groupe suisse, les Vaches Laitières et la pièce Calvin Grad. En fait, c'est la chanson thème de leur tout nouveau mini-album que vous pouvez retrouver sur l'étiquette Rude Boys and Girls Unity. Et puis après ça, nous allons terminer le prochain bloc avec un groupe qui nous provient à la fois de Trois-Rivières et de Québec. Le groupe Achigan avec la pièce Participer au chaos, extrait de leur album Au fond des toilettes du monde. Donc, allons-y, sans plus tarder, avec Wonder Batch et la pièce Paris-Londres à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Wonder Batch. participer au chaos. Participer au chaos. Participer au chaos. Participer au chaos. Participer au Yeah! Achigan avec Participer au chaos, extrait de l'album Au fond des toilettes du monde. Juste avant, si on recule de trois pièces, on avait eu tout d'abord Wonder Batch avec la pièce Paris-Londres. Ensuite, on avait continué avec Kidnap, qui est une légende du punk français, avec la pièce Thatcher Dracula. Et puis après ça, on avait eu le groupe suisse Les Vaches Laitières et la pièce thème de l'album qui s'appelle Calvin Grad, qui est un très bon mini-album de 4 pièces. En fait, originairement, c'était sur un vinyle. Ils ont fait aussi quelques CD promotionnels. Et si vous mettez la main sur ça, eh bien, ça serait une très bonne chose parce que c'est vraiment un très bon album. Très bon mini-album. Maintenant, nous allons aller faire un tour en psychobilly et en rockabilly avec les formations suivantes. C'est-à-dire, tout d'abord, The King of Nothing et leur version de la pièce For You. For You, qui a été composé dans les années 80 par la formation punk Anti Nowhere League. Et puis, après ça, nous allons continuer avec The Phantom Creeps. Ça, c'est un groupe qui nous vient de l'Ouest canadien avec la pièce Route 666. Et ça provient de leur album éponyme qui est sorti au cours de cet été. C'est vraiment très bon et c'est un album que je conseille à tous les amateurs de rockabilly très lugubre, parce que c'est très lugubre de Phantom Creeps. Et puis après ça, nous allons finir le prochain bloc avec la formation qui mélange le psychobilly et le punk. Et puis ça nous vient de Montréal, la formation des Hypnophonics avec la pièce Scream, qui est vraiment une des, je vous dirais, une de mes pièces préférées de leur album qui s'intitule The Last Band on Earth, sorti en 2010 sur Stomp Record. Et puis après ça, si tout va bien, nous aurons une entrevue avec The Slackers. Mais on s'avance pas trop. Mais ça, de toute façon, ça va aller vers 8 heures. D'ici là, allons-y en musique sans plus tarder avec The King of Nothing et leur version de la pièce For You à Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. coming home to a broken down dream. Just one payday away from living on the streets. Living day to day, man, something has really gone wrong. Maybe it's time to hit that road and never look back. Never look back. Not that help in the highway, just the lost soul in the night. Devil's ill beside me, but he is showing me the light. Time. dans le cadre de la fête de l'Halloween, la maison de la famille de la MRC de Louisville devient la maison hantée. Petits et grands devront tester les limites de leur peur à travers les couloirs de la mort de la maison hantée. Personnages morbides et scènes d'horreur seront au rendez-vous. Deux étages de peur vous attendent. Une des plus grosses maisons hantées de la Mauricie. Tout juste avant, c'est la tournée des Becs Sucrés sur la rue principale de Louisville, samedi le 30 octobre, de 14h à 16h. Sur place, prix de présence, animation variée, exposition de citrouilles, chasse au trésor. Fils de Grimm met au grand jour les ramifications de l'industrie musicale, les liens professionnels, amicaux et même amoureux qui unissent nos artistes. Fils de Grimm, c'est de la musique indie, rock, pop, franco-québécoise et française avec quelques incursions dans le répertoire canado-anglais. 6 degrés, les mardis à 17h sur les ondes de C'est fou. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Elles envahissent les ondes de C'est fou pendant deux heures, encore une fois cette année. Les betteraves hurlantes, votre dose d'humour, d'actualité, de légumes, les lundis de 16 à 18 heures, en rediffusion les samedis de 16 à 18 heures, à C'est fou 89.1 FM. Bush full peanuts. Ouais, je sais. Faut juste que je déris un peu. Faut que j'arrête de rire. C'est fou, ça. À Mexico. 89.1. À Mexico. Sur le net. Au cfou.ca. À Mexico. OK. Alors, je sais pas. Mais on dirait que les slackers sont absents du téléphone. Donc, en tout cas, on va continuer avec ce que j'avais envie de faire passer. Puisque les slackers sont en spectacle samedi à Montréal. Et puis, donc, c'est ça. Alors, on va y aller avec quoi? On va y aller tout d'abord avec la pièce... Excusez-moi, j'ai perdu... OK, c'est bon. On va y aller avec la pièce de Daddy. Puis après ça, si l'entrevue commence pas, eh bien, on va continuer avec la pièce Tool Shed. Et puis après ça, on verra bien ce qui arrivera. Mais bon, au cas où qu'il n'y ait pas d'entrevue, je voudrais juste vous dire que The Slackers seront en spectacle à Montréal, comme j'ai dit tantôt, le 23 octobre, ça c'est le samedi qui s'en vient, à l'endroit qui s'appelle Le Studio. Bon. Alors, le message est fait. Et puis, on va y aller justement avec la pièce Daddy, qui est la pièce numéro 6 de leur plus récent album, The Great Rocksteady Swindle. Et puis, on y va comme ça, tout de suite. Can't say I blame you. Hey, how you doing, man? I'm very fine. And you? I'm good. I'm in London, Ontario right now. Oh, yeah. Wow. Okay, so it was my first question. But since you have answered my question, it is good tonight in London, in Ontario? Well, it's raining and it's cold, but it's a good show, I think. The same thing here. Okay, so are you happy to play in Montreal Saturday? For sure, man. Montreal is one of the places. It's so, it feels like it has a certain similar vibe to New York sometimes, you know? Okay. Cosmopolitan, people from a lot of places, and it's just like always a good feeling. People like to have a good time in Montreal, you know? So the shows always go late, have a good late night hang. It's a lot of fun. Yeah, that's nice. So, can you tell me, since how many years the Slackers exist? How many what? Years? How many years? We've been together. The band officially started around 91. Oh, yeah. Yeah. So we're coming up actually on our 20th anniversary. Oh, yeah. Right now. Oh. Yeah, yeah. So you all are a very old ska band from New York. 20 years. Yeah, 20 years is a long time. It's kind of amazing to us that we have managed to hold it together for that long. Okay. And do you have the same lineup since the beginning of the Slacker? No. The guys who've been in the band since the beginning are Vic and Marcus. Okay. And it actually started as a three-piece. Oh, yeah. And so they had two of the three original members are still in the band. Who? And then, Marcus and Vic. And then... Okay. And then it's, I've been in the band for a long time. 17 years. Okay. Something like that. And, and then the guitar player and the drummer are newer, but they've been in the band right now, I think, at this point, for about 7 years. Okay. And, Glenn, the trombone player, he's been in the band for 13, I think. Wow. Yeah. Okay. So it's a long time, man. We hit the road, we do our thing, and try to do it the best we can. Mm-hmm. And how many albums do you have? Excuse me? How many albums do you have, CD? Oh, albums? Yeah. I'm not sure exactly. I think we're around 12. 12? Maybe. We're around 12 albums. Okay. 12 studio or studio mixed with compilation? What? Hello? Hello? Oh bien, on dirait qu'on a eu quelques... Dave? Hi? Oups. Eh bien, on va essayer de rétablir la communication avec The Slackers. On dirait qu'on a eu des petits problèmes. Mais bon, alors, j'ai coupé mon micro et puis ça va sûrement pouvoir ressonner. On va continuer, on va voir ça. Bon, excusez-moi tout le monde, ça vient l'air qu'on pourra pas continuer l'entrevue avec The Slackers parce que pour une raison inconnue que je ne sais pas trop, le contact après le téléphone de Sifu, en fait, le téléphone qu'on a en studio, le téléphone spécial pour les entrevues, il marche plus. Alors, ça a l'air qu'il y a des extraterrestres qui nous ont coupé le signal parce que ça marche vraiment pas. Et puis, c'est dommage. Mais bon, on a quand même pu savoir certaines choses sur The Slackers, comme qu'ils avaient une douzaine d'albums à leur actif. Et puis, à part de ça, qu'ils existaient depuis 20 ans. Et puis, qu'ils étaient à London, en Ontario. Et puis, que samedi, ils sont contents d'aller jouer à Montréal. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on a pu avoir. En tout cas, c'est bien plate. Bon, nous autres, en tout cas, on va continuer, on n'a pas le choix. Donc, on va continuer tout d'abord avec un bloc de folk punk. On va commencer ça avec The Pogues. Et une pièce que je voudrais dédier à ma douce et tendre Nancy. La pièce qui s'appelle Dirty Old Town. Parce que c'était sa fête cette semaine. Et puis, après ça, on va continuer avec une pièce que je me dédie à moi-même. Parce que moi aussi, ça a été ma fête. Et puis, on va y aller avec The Irish Rover et la version officielle de The Irish Rover. Bon, il y en a peut-être eu d'autres parce que c'est quand même une pièce qu'on pourrait dire traditionnelle, mais en tout cas, dans mes plus vieilles affaires, c'est pas mal le plus vieux groupe qu'on pourrait qualifier de folk rock à l'avoir pris. Bien sûr, par la suite, il y a plusieurs groupes, quelques bonnes vingtaines d'années, plusieurs groupes folk punk qui ont repris cette chanson-là. On peut nommer The Tossers, par exemple. The Pogues aussi. Bref, plusieurs groupes folk-punk ont repris cette chanson-là, The Irish Rover. Et puis après ça, nous allons terminer le prochain bloc avec un groupe qui nous vient de Vancouver, de Dreadnoughts, et la pièce Black Seagull. Tout ça uniquement à Skypunka sur les ondes de C'est fou, la radio Campus de Trois-Rivières. Et encore une fois, ben je m'excuse pour l'entrevue avec The Slackers si c'est coupé comme ça. C'est au-dessus de mes forces. Je peux pas rétablir la ligne. J'en ai aucune idée de comment ça marche. On y va. The Slackers. Pas The Slackers. The Pogues avec Dirty Old Town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. The smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town. And now, ladies and gentlemen, direct from the little land of Ireland, presenting those rowdy, rollicking Irish Rovers. In the year of our Lord 1806, we set sail from the cold Cay of Cork. Down below in the hold was a cargo of bricks for the Grand City Hall. Trade winds drove her. We had 20.

89.1. Alors, vous écoutez toujours Sky Punka en compagnie du camarade B. Et puis, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avant le bloc de publicité? On a eu tout d'abord The Pogues avec la pièce Dirty Old Town. Ensuite, on avait eu The Irish Rovers avec la pièce The Irish Rover. Et on avait continué avec The Dreadnoughts et la pièce Black Sea Gale, extrait de leur plus récent album qui s'intitule... Polka's Not Dead. Là, je viens tout juste de déballer, en, soit dit en passant, le nouvel album de la formation montréalaise de St. Catharines qui s'appelle Fireworks, qui vient de sortir sur on allait dire Stormbreaker, mais en fait c'est plutôt à l'espèce de grande union à laquelle Stormbreaker participe, c'est-à-dire Union 2112 Record. Donc, c'est ça. Ce qu'on appelle, en fin de compte, le Union Label, là, à laquelle participent Stormbreaker et Mayday, ainsi qu'un autre label dont le nom m'échappe. Là. Et puis, encore une fois, je m'excuse pour la communication qui a coupé avec The Slackers. C'est vraiment dommage. Bon. C'est ça. Alors là, on va continuer en punk et en roy revendicateur. Donc, on va y aller avec la formation française, tout d'abord, Brixton Cats et la pièce « Sèche tes larmes ». On va y aller avec la version démo, extrait de leur démo qu'ils ont fait il y a quelques années. Par la suite, on va écouter aussi la pièce « Sharp » du groupe « Los Fastidios ». Et Sharp, c'est quoi ça pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Sharp? Un Sharp, ça, c'est un skin antiraciste, c'est-à-dire c'est un skin... qui combat le raciste. Le racisme. Donc, c'est quelqu'un qui est antiraciste, qui combat les racistes et qui veut surtout pas se faire traiter de raciste parce qu'il est antiraciste. Alors, c'est ça, un Sharp. Assez vite, là. Puis aussi, habituellement, les Sharps sont pas mal plus à gauche qu'à centre, qu'au centre, niveau politique. Et oui, c'est ça. Alors, je crois que j'ai fait un bon résumé de c'est quoi un Sharp. Hormis le fait que ça aime la bière, que ça a aussi des gros rogers. Ben ouais, parce que ça prend le kit quand même, faut être un sharp, là. Bon, et puis après ça, on va continuer avec le groupe suédois Perkel et la chanson Momen, que je voudrais dédier à tous ceux qui font des manifestations en France et un peu partout dans le monde. Parce que des fois, ça a l'air qu'il faut sortir dans la rue pour se faire écouter par le gouvernement qui nous écoute pas quand il met ses bouchons sur ses oreilles et qu'il veut pas nous entendre. Je crois que les Français nous montrent un bon exemple de ce qu'on peut faire de ces temps-ci. Ils sont en grève générale et puis ça va sûrement donner de quoi. En tout cas, j'espère pour les Français que ça va donner quelque chose. Et puis après ça, en parlant de Français, eh bien on va finir le prochain bloc avec Brigada Flores Magón et la pièce Héros et Martyrs, extrait de leur premier album, qui était un album éponyme parce qu'il portait le nom du groupe. Et puis, ben c'est ça, on va entendre la pièce Héros et Martyrs. Puis est-ce que j'ai dit encore une fois aux Français qui sont en train de manifester dans les rues? Parce que là, eux autres, là, ils ont décidé là, que l'âge de la retraite, faut que ça reste le même âge que c'est présentement. Et puis, les vieux, après avoir travaillé, là, ben, ils méritent là, leur retraite. Donc, c'est quoi la joke là, de leur donner, mais des obligés à travailler encore plus longtemps? Car franchement, là, ils ont le droit de prendre leur retraite, comme tout le monde. Alors, les Français, si vous m'écoutez, bien, vous faites bien de faire de faire la grève générale de ces temps-ci. C'est une chose que les Québécois devraient peut-être prendre exemple. Bon. Alors là, je me tais. Et on y va en musique avec Brixton Cats et la pièce Sèche tes larmes, version démo. Et puis après ça, on va voir toutes les autres choses que je viens tout juste de vous annoncer. Tout ça uniquement à Sky Punka. La seule et unique émission de punk en Mauricie. Tellement d'ensemble, nos espoirs, tout envahit nos têtes. remember when it's wet in September, makes it easier to walk through the rain. That I remember. Ouais, alors. Alors, c'était The St. Catharines avec la pièce qui vient clore leur tout nouvel album que je découvre à l'instant avec vous-même. Alors, cette pièce-là, elle s'intitulait Reinventing Rolling Stone. Je me suis dit, Against Me, on fait une pièce Reinventing Axl Rose. Peut-être que ils s'en sont inspirés, mais non, pas pantoute, mais je trouve que ça avait quand même de l'allure. Bon, c'est une première écoute, mais quand ça a de l'allure à une première écoute, ça promet. Bon, OK, on va mettre ça, mettons, ça sur la toune numéro 3, justement, c'est du nouveau CD de St. Catharines, question de se faire une trame de fond. C'est tout le temps mieux, je trouve, avec une trame de fond. Leur nouvel album qui s'appelle Fireworks. Bon, ben la semaine prochaine, là, je vais vous revenir sur ça. Pour l'instant, on le laisse en trame de fond, et puis on se parle de d'autres choses. Alors, si on recule de 4 pièces, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu tout d'abord Bricks and Cats avec la pièce Sèche tes larmes version démo, qui date d'à peu près 5 ans. La date n'est pas écrite sur le démo. Bon. Mais ça date d'à peu près ça. Aux alentours de, je vous dirais, 2005-2004. Une affaire comme ça. Bon. Après ça, on a eu Los Fastidios avec la pièce Sharp, pièce extraite d'un de leurs meilleurs albums qui s'appelle Continuamo su Divoy. Parce que c'est vraiment un de leurs meilleurs, si ce n'est pas le meilleur, cet album-là de Los Fastidios, qui est vraiment, je vous dirais, un icône dans le oeil antiraciste en Europe, puis je vous dirais même mondialement. Pour les avoir vus à Montréal, il y a de cela de nombreuses années, je peux vous dire que Los Fastidios, malgré le fait qu'ils soient italiens, ben, ça leur dérange pas de faire un show à Montréal, puis de parler en français, de mélanger le français avec l'anglais puis l'italien pour se faire comprendre, et puis ça avait été un très bon spectacle. Bon, et puis après Los Fastidios, on avait eu la formation suédoise Perkel et la chanson Moments, qui est vraiment une très belle pièce, bonne petite balade, ça, ouais. Bonne balade, oi! Et puis après ça, eh bien, on avait terminé le dernier bloc avec Brigada Flores Magón. On l'avait pas terminé, c'est parce que c'était l'avant-dernière pièce. Mais bon, on avait eu la pièce Héros et Martyrs de Brigada Flores Magón. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va se quitter avec un long bloc, car l'émission, qui normalement fait suite à Sky Punka, n'aura pas lieu ce soir parce que Simon Fitzbay ne peut pas être là. Donc, il n'y aura pas de saveur du moment aujourd'hui. Ce qui va me permettre de finir avec un bloc un peu plus long. Donc, on va se quitter avec Against Me et la pièce We Laugh at Danger. Puis, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Après ça, on va continuer avec la formation Redskin et la pièce Strike. Pièce que vous pouvez retrouver sur l'album. Ben, en tout cas, c'est pas un album. Ben, c'est pas un album qui est sorti dans les années, je vous dirais, 80. Parce que c'est un album compilation qui s'appelle Epilogue, en fait, qui contient tout ce que les Redskin ont fait dans le début de leur carrière. Donc, il y a le single CNT sur ça. Il y a le démo, et puis il y a leur premier mini-album qui s'appelle Nos Svastikas. Fait que c'est ça, mais c'est vraiment un bon album qui est sorti sur Insurgents Records au cours de cette année. Et puis après ça, on va poursuivre en musique encore une fois avec quelque chose d'autre. Après le Redskin, on va continuer avec la version de la pièce Johnny Jones de la formation de Farrell Bros., pièce qui avait été composée à la fin des années 70 par les légendaires de Clash. Et puis après ça, on va poursuivre avec une pièce qu'on a entendue tantôt, mais reprise par un autre artiste, c'est-à-dire la chanson The Irish Rover, version live, reprise par The Tossers. Et puis après ça, nous allons finir le tout en beauté aujourd'hui avec une formation qui nous vient de la Louisiane et qui s'appelle The Zeitpunks, qui chante à la fois en français, en allemand et en anglais. Et la pièce qu'on va écouter, c'est la pièce qui vient clore leur album Funestère, la pièce qui s'appelle La vie est courte et cruelle. Tout ça uniquement Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, toujours entre 19h et 21h, pour écouter du bon punk, du bon hard, du bon psycho, du bon rockabilly, du bon ska. Et puis en même temps, ben la semaine prochaine, puisque nous allons être proches de l'Halloween, on va avoir un petit spécial d'Halloween. Je ferai pas deux heures de psycho et de rockabilly, parce que ça me tentait de varier cette année. Mais quand même, je vais faire un petit spécial Psycho Billy, justement, pour souligner l'Halloween, puisque le Psycho et l'Halloween sont assez indissociables, disons. Mais ne voulant pas tomber dans les clichés, je me suis dit, on va mettre du punk quand même aussi lors de cette émission-là. Alors, ben c'est ça. Donc, à la semaine prochaine, et puis, comme j'ai dit tantôt, on y va avec Against Me et la pièce We Laugh at Danger and Break All the Rules. C'est ce qui vient clore leur album live qu'ils ont enregistré à Londres en 2006. Bye bye pour de vrai, là. Strike! Strike! one's the Irish Roll. Thank you. fucking wasted, man. La terre sur tous côtés, un pigeon blanc s'a voltigé.